Quand on me dit que je pue des pieds, j'ai mal. Même s'il faut reconnaître que l'odeur est insupportable. Quand on me dit que je sens mauvais, j'étale toutes les thérapies que j'ai employées pour remédier à mon mal qui persiste pourtant. Paria, même celle qui me trouve mignon s'enfuit très vite et loin de moi dès que j'évoque mes champignons. Je reste seul, abandonné à cause de mes mycoses. Quelqu'un m'aimera-t-il jusqu'au pied? Allez, approche, vas-y, ose. Mais ce mal persiste pourtant. J'avoue que malgré ma tare, quelques individus supportent mon contact, mais c'est rare. Ma fille, ma mère, quelques amis oublient ce léger détail. Et chaque jour poursuivent leur lutte, leur combat, leur bataille. Oui, mais ce mal persiste pourtant. Non, je n'aime pas me laver.